Le temps qui passe est mécanique. La mécanique des sentiments fait oublier les statistiques. Le cœur épuisé lentement, cadencé la séance. Musique. Le cœur ne s'use pas, il oblique. Il est au repos. Il attend. L'amour qui fuse, c'est mécanique. La mécanique des sentiments. C'est elle qui a pas de doute. La muse, c'est sûr, pour longtemps. Tu t'amuses sans faute et tu goûtes. Vos ailes fusionneront au printemps. Tes enfants glissent sur le portique. La vie est si lisse et pourtant ton cœur bat vite, c'est mécanique. C'est un délice, c'est évident. Les sentiments fait oublier les statistiques. Le cœur épuisé lentement, cadencé, lassé en musique. Tu comptes les ans, c'est magnifique. Les statistiques mentent tout le temps. Nous sommes deux, tout est magique. C'est fait, Eric, les sentiments, c'est comme de la physique. Quantique, la mécanique.